Le confinement rend la violence conjugale et familiale plus difficile à voir, mais elle est plus présente que jamais pour les femmes ou les enfants qui la subissent. Si vous voyez ou entendez quelque chose, appelez le 911. Ensemble, nous pouvons arrêter le virus et la violence. Un message de l'Alliance. CKRL 89.1. From our new album Bestie Uomini Dei, and it is called Nero Notte, which means pitch black, and it tells the story of a young boy who was kept isolated from the outside world since he was born. He broke free in Nuremberg and nobody ever knew his origins. He was named Kaspar Hauser, the only word he knew at the time. He died some years later, stabbed, and nobody never knew his murderer. Thank you. tornata dalla tua nuova città. Non c'è nessuno nella tua casa, di nuovo sola, abbandonata. Solo il mantello nero, notte ancora ti aspetta là. È come un sogno, è come un segno, come un ricordo di legno. Is called The Mysteries of Thessaly, and it tells the story of King Admetus, by grace of three fates, will be able to avoid certain death if someone else sacrifices himself on his behalf. The only person willing to do so is his wife, Alcestis, and he accepts. About what happens next, many tales are told. Degli antichi uomini, il re è giovane, tutti lo amano, ma la vita perderà se non si troverà chi sia disposto a morire al suo posto. Thank you. maniera. Si dice che sia la più antica, si dice che sia quella vera. Dove nessuno combatte, non ci sono guerrieri, ma sono solo parole. It's Gabriele Manzini of Ubi Maior from Milano, Italy, and you're presently listening to Terra Incognita, the progressive reference of Quebec City. suis un disque. Oh là là là. C-K-R-L. Mais c'est magnifique. Je suis une voix. .qc.ca. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. Tu connais ta radio? Connais-tu CKRL 89.1? Moi, j'y fais des émissions depuis au moins une quinzaine d'années et j'en suis très fier. Elle diffuse du jazz, de la musique du monde, de la musique francophone, du rock, du punk, du métal, de la musique classique, de la musique baroque, ancienne, de la musique traditionnelle et même du reggae, sans compter tous nos magazines culturels. J'aimerais prendre le temps ici de remercier tous les producteurs qui assurent la programmation depuis le confinement. Et ce, grâce au soutien technique de Simon Roy, Jessica Leb, Yves Dubois, Jean-Philippe Boisbriand, Danny Fortin, Caroline Stephenson, qui garde le fort à CKRL. Merci beaucoup. On lève notre chapeau tous ensemble. CKRL 89.1, depuis 47 ans, on est fiers. On continue. Ça va bien aller. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Comme vous le savez, on est en confinement, alors on ne peut être avec vous à la radio, mais je tenais quand même à vous dire quelques mots pour cette émission spéciale qui a été préparée ce soir par Michel Bilodeau et moi-même, Marc Chaunet. Alors, ce que vous avez entendu dans le premier bloc, c'était trois extraits du plus récent album de U.B. Meyer, qui est paru le 4 avril, l'album Bestie Uomini e Dei, et également une pièce de la formation italienne Metronome. Ça, c'est un album de 2019, leur album 4. Dans le prochain bloc musical, vous entendrez des primeurs et nouveautés tout au long de ce bloc. Donc, Professor Tip Top de la Norvège, tiré de l'album Tomorrow is Delayed, qui paraîtra le 26 juin prochain. Il y aura deux extraits. La pièce titre, Tomorrow is Delayed, et le bloc se terminera avec la pièce Beneath the Silence. On aura également la formation psychédélique qui a été formée dans les années 60, Californie, la formation de Chocolate Watch Band, qui ont fait une pièce spéciale pour la situation de la COVID-19, I Still Have Hope. Et on aura également un extrait du prochain album de The Opium Cartel, un album intitulé Valor, qui paraîtra le 6 juin prochain, avec la pièce A Maelstrom of Stars. Bonne soirée! Yeah. on the streets hunted by midnight death squads. Cancer for profit tobacco companies. Newborns with AIDS, crack addictions, the insanity of the NRA. Children killing children in schools. Ethnic cleansings. Lawsuit lotteries. Political correctness. American families living in their cars. Overpopulation, global warming. Politicians in denial. This is the world we're living in. This is the world we created. This is the world we take for granted. This is the world we accept. Still have hope. Still have hope. you CKRL 89.1. Pendant la COVID-19, CKRL vous informe avec deux rendez-vous quotidiens d'actualité. Du lundi au vendredi, retrouvez les matins éphémères animés par Caroline Stephenson de 7h à 9h. En après-midi, ne manquez pas Première Loge animée par Jessica Leb de 16h à 17h30. Grâce à nos invités et nos chroniqueurs, nous choisissons des sujets utiles et pratiques pour mieux appréhender les réalités du confinement et de la COVID-19. Tous les jours, CKRL diffuse aussi en direct les points de presse fédérales et provinciales que nos journalistes suivent de près pour vous, afin de vous en faire le compte-rendu quotidien. CKRL, c'est aussi plus d'une centaine de bénévoles qui, même à distance, continuent d'animer leurs émissions et de vous présenter leur sélection musicale pour vous accompagner dans le quotidien du confinement. Merci à eux qui travaillent avec autant de dévouement et de passion pour vous. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants: marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88 454 1019 ou à ericlamirande.ca. But I'll his bed I ride the guilt trip, knowing in full that it's my own fault. But aren't we all childlike? I mean, your crystal laptop dream of life in infinity amazes me that you're afraid of something beyond today. Death walks behind you. Thank you. guess I draw my final breath. The world keeps spinning on like a worn out song from the 70s. Will it ever go off the air? On and on, in circles we run. CKRL 89.1. Séparés du monde, unis par les ondes. Bonjour mes amis, c'est Michel Dubois qui vous parle. Merci de rester fidèle à notre rendez-vous blues du vendredi et j'espère que vous vivez bien les bouleversements qui nous frappent tous. Et à défaut de vous parler en direct, je vous prépare du blues à son meilleur sur la rue d'Auteuil. Ici Tania Beaumont, présidente de l'Association des radios communautaires du Québec. En cette période de crise, L'information de proximité n'a jamais été aussi importante pour assurer la santé et la sécurité des citoyens. Dans l'incertitude, une chose est sûre. Votre radio locale est là pour vous. Vous donner l'heure juste sur la situation qui évolue de minute en minute est au cœur de notre mission. Vous informer, c'est essentiel et c'est notre priorité. C'est promis. Les régions du Québec peuvent compter sur les radios communautaires. Sei così, sei come vorrei, indisponibile, sei così, come un fiume in piena che secca per la siccità, come un paio d'ali che smettono di sbattere. Sei, sei come sei, è inevitabile, sei così. Sei decisa a scendere quando improvvisamente sali. Si ampliano e si trasformano in un paio d'ali. Sali, sali. We'll ne sei, è inevitabile, sei così. Sei come vorrei, indisponibile, sei così. Sei decisa a scendere, quando improvvisamente sali, sali, sali. Le tue braccia si ampliano e si trasformano in un paio d'ali, sali, sali. Sali. Thank you. Ce matin vers 8h, mon valet vint me réveiller. C'est Madame Sablé qui demande à voir monsieur. Tout de suite demandai-je endormi. Oui monsieur, je le crains. Je me souvins alors des événements vécus la veille. Je la reçus au salon, elle paraissait fort troublée. Les yeux baissés, elle balbutia qu'il me fallait l'aider. Son mari l'avait chargé de venir me demander de leur prêter une certaine somme pour un motif obscur. Je restais stupéfait, je les avais fort bien hantis. Était-elle par hasard en train de se moquer? Voyons, lui dis-je, réfléchissez, en êtes-vous bien certaine? Elle alla même jusqu'à mentir qu'il lui avait écrit. Je prétendis ne pouvoir disposer de telles sommes. Elle se mit à trembler d'angoisse, sa voix se resserrant. Trouvez-les, je vous en supplie, mon cousin, trouvez-les. Je dus me rendre à l'évidence de son réel désarroi. Thank you.